Quatrième partie, chapitre 11 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 11, contre l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas une simple tentation, mais une mauvaise source de plusieurs tentations, et il est nécessaire que je vous en parle. La tristesse n'est autre chose que la douleur, que notre esprit ressent du mal que nous souffrons malgré nous, soit qu'il soit extérieur, comme la pauvreté, la maladie, le mépris, soit qu'il soit intérieur, comme l'ignorance, la sécheresse du cœur, la répugnance au bien, la tentation. Lors donc que l'âme sent quelque mal, elle a du déplaisir de l'avoir. Et voilà la tristesse, le désir d'être affranchi du mal et d'avoir les moyens de s'en délivrer, soit incontinent la tristesse, et jusque-là nous avons raison, car naturellement chacun désire le bien et fuit le mal. Si l'âme cherche les moyens d'être délivrée de son mal pour l'amour de Dieu, elle les cherchera avec patience et douceur, humblement et tranquillement, attendant beaucoup plus sa délivrance de l'aimable providence de Dieu que de son industrie, de ses soins et de ses peines. Si son amour-propre lui fait chercher son soulagement, ce sera avec beaucoup d'empressement et de chaleur, comme si ce bien dépendait plus d'elle que de Dieu. Je ne dis pas qu'elle pense cela, mais je dis comme si elle le pensait. Que si elle ne trouve pas aussitôt ce qu'elle désire, elle entre en de grandes inquiétudes et impatiences. Et parce que ces inquiétudes, bien loin de la soulager de son mal, l'augmentent beaucoup, elle est saisie d'une tristesse si démesurée que, perdant tout ensemble le courage et la force, elle croit son mal sans remède. Vous voyez donc que la tristesse toute juste qu'elle est au commencement produit l'inquiétude, et l'inquiétude augmente si fort la tristesse qu'elle devient extrêmement dangereuse. L'inquiétude est le plus grand mal de l'âme si l'on en excepte le péché, car comme les séditions et les troubles domestiques d'un état la désolent entièrement et l'empêchent de résister aux efforts de ses ennemis, de même, notre cœur étant inquiet et troublé, n'a plus la force ni de conserver les vertus qu'il avait acquises, ni de résister aux tentations de l'ennemi, qui fait alors tous ses efforts pour pécher, comme l'on dit, en nos troubles. L'inquiétude provient d'un désir déréglé d'être délivré du mal que l'on sent, ou d'acquérir un bien que l'on espère. Et, toutefois, il n'y a rien qui augmente plus le mal et qui éloigne plus le bien que l'inquiétude et l'empressement. Ainsi qu'il arrive à ces oiseaux qui, s'agitant turbulemment dans les filets où ils ont été pris, s'y embarrassent de plus en plus. Quand donc votre cœur sera pressé du désir d'être délivré de quelque mal ou de parvenir à quelque bien, calmez-vous avant toute chose, tranquillisez votre esprit et votre cœur. Et puis, suivez le mouvement de votre désir pour prendre doucement et avec ordre les moyens convenables à ce que vous souhaitez. Et quand je dis doucement, je n'entends pas négligemment, mais sans empressement et sans inquiétude. Autrement, bien loin de réussir, vous gâterez tout et ne ferez rien que vous embarrasser davantage. « Mon âme, Seigneur, est toujours entre vos mains, disait David, et je n'ai point oublié votre loi. Philotée, examinez plus d'une fois le jour, mais au moins le soir et le matin, si vous avez comme lui votre âme entre vos mains, ou si quelque passion ou quelque inquiétude ne vous l'a point ravie. » Considérez si vous avez votre cœur à votre commandement, ou bien s'il ne s'est pas échappé de vos mains, pour s'engager à quelque dérèglement d'amour, de haine, d'envie, d'avarice, de crainte, de tristesse, de joie. Et s'il s'est égaré, cherchez-le promptement et le ramenez doucement en la présence de Dieu, remettant toutes vos affections et tous vos désirs sous l'obéissance et la conduite de sa divine volonté. Comme ceux qui craignent de perdre quelque chose qui leur est précieux, le tiennent bien serré en leurs mains. Ainsi, à l'imitation de ce grand roi, nous devons toujours dire « Ô mon Dieu, mon âme est en danger de se perdre, c'est pourquoi je la porte toujours en mes mains et cela m'empêche d'oublier votre sainte loi. » Ne permettez jamais à vos désirs de vous inquiéter, pour petits et peu considérables qu'ils soient, car après les petits, les grands trouveraient votre cœur plus disposé aux troubles et aux dérèglements. Quand vous sentirez donc quelque inquiétude, recommandez-vous à Dieu et déterminez-vous à ne rien faire de tout ce que votre désir demande avant que l'inquiétude soit entièrement calmée, si ce n'est que la chose ne souffrit pas de délai. Mais alors, faites un doux effort pour réprimer ou pour modérer le mouvement de votre désir. Et puis, faites ce que vous croyez que la raison demande de vous et non pas de votre désir. Si vous pouvez découvrir votre inquiétude à votre directeur, ou du moins à un confident et dévot ami, vous trouverez aussitôt le calme, parce que cette ouverture d'un cœur agité et échauffé le soulage aussi promptement que l'ouverture de la veine soulage un malade de la violence de la fièvre. Et c'est pour le cœur le meilleur de tous les remèdes. « Oui, dit le roi Saint-Louis à son fils, quand vous aurez quelque chose sur le cœur, faites-en aussitôt confidence à votre confesseur ou à quelque bonne personne. Car la consolation que vous en recevrez vous aidera à porter doucement votre peine. » Fin du chapitre 11, quatrième partie.